Chapitre 48e. Lorsque M. de Maillefort fut assis auprès de Mlle de Beauménil, il lui dit en souriant « Vous n'avez donc plus peur de moi ?»« Ah, monsieur, reprit Ernestine, je suis bien heureuse de cette occasion qui me permet de vous remercier. »« De ma discrétion ?»« Elle est à toute épreuve, rassurez-vous. Je vous donne ma parole que personne n'a jamais su, ne saura jamais, que je vous ai rencontré chez la plus digne, chez la meilleure créature que je connaisse. » N'est-ce pas, monsieur? Et pourtant, si je connais Herminie, c'est à vous que je le dois, à moi. Vous rappelez-vous, monsieur, qu'un jour, devant Mademoiselle Helena, vous m'avez fait entendre des paroles bien tristes, mais hélas, bien vraies. Pauvre enfant, je voyais votre éloignement pour moi. Je ne pouvais me trouver seul avec vous. Il fallait bien, pendant que d'un autre côté je veillais sur vous, il fallait à tout prix vous ouvrir les yeux sur les misérables adulations dont vous pouviez devenir dupe et victime. Eh bien, monsieur, vos paroles m'ont en effet ouvert les yeux. J'ai vu que l'on me trompait, que j'étais sur le point peut-être de croire à tant de flatteries mensongères. Alors j'ai pris un parti désespéré, et afin de savoir la vérité sur moi-même, je me suis entendu avec ma gouvernante, et dans un petit bal donné par l'une de ses amies, elle m'a présenté comme une orpheline sans nom et sans fortune. Et dans cette réunion, vous avez rencontré Herminie, elle me l'a dit. Je comprends tout maintenant. Ainsi, vous avez voulu connaître ce que vous valiez par vous-même? Oui, monsieur. Cette épreuve a été pénible, mais profitable. Elle m'a appris, entre autres choses, à apprécier la valeur et la sincérité de l'empressement que l'on me témoigne ce soir. Et comme le bossu, contenant à peine son émotion, regardait Ernestine en silence, profondément touchée de la résolution de la jeune fille, elle lui dit timidement « Peut-être vous me blâmez, monsieur ?»« Vous blâmez, pauvre enfant, oh non !»« Il n'y a de blâme que pour les gens dont l'indigne bassesse vous a réduite à cette résolution que j'admire, car vous ne savez pas vous-même ce qu'il y a de courageux et d'élevé dans votre conduite. » Un homme d'un âge mûr, s'approchant du long canapé sur lequel M. de Maillefort était assis à côté d'Ernestine et s'appuyant sur le dossier du meuble, dit à demi-voix au bossu « Mon cher marquis, messieurs de Morinville et de Haute-Rive sont à vos ordres. Ils se tiennent là, dans l'embrasure de la porte. » « Très bien, mon cher. Mille grâces de votre obligeance et de la leur. Vous les avez prévenus ?»« De tout. Ils acceptent ?»« C'est tout simple. Comment ne pas répondre à un tel appel ?»« À merveille, répondit le marquis, et se tournant vers Mademoiselle de Beauménil. Pour quelle contredanse, monsieur de Mornant, vous a-t-il invité, mademoiselle ?» Pour celle que l'on va danser tout à l'heure, monsieur, répondit Ernestine, fort surprise de cette question. Vous entendez, mon cher ami, dit M. de Maillefort à la personne qui venait de lui donner les renseignements précédents, c'est pour la contredanse prochaine. Très bien, mon cher marquis. Et l'ami de M. de Maillefort, faisant un circuit pour les rejoindre messieurs de Morinville et de Haute-Rive, leur parla à l'oreille et tous deux firent un signe d'assentiment. Ma chère enfant, reprit le marquis en s'adressant à Mademoiselle de Beauménil. Sans en avoir l'air, je me suis depuis quelque temps très occupé de vous. Car il faut vous le dire, et quoique vous m'ayez peu vu dans votre enfance chez votre pauvre mère, j'étais de ses amis, de ses meilleurs amis. Ah, monsieur, j'aurais dû le deviner plus tôt, car on vous calomniait toujours auprès de moi. Cela devait être. Maintenant deux mots. Monsieur de La Rochegue vous a souvent parlé de Monsieur de Mornant comme prétendant et vous a dit, n'est-ce pas, que vous ne pouviez faire un meilleur choix. Oui, monsieur. Pauvre enfant, dit le marquis avec compassion, et il reprit. Mademoiselle Helena, de son côté, la sainte, l'honnête personne qu'elle est, vous a tenu le même langage sur Monsieur Célestin de Macreuse, autre honnête et saint personnage. L'orpheline, remarquant le sourire amer et sardonique du marquis en parlant de l'honnêteté et de la sainteté du disciple de l'abbé Ledoux, dit au bossu « Vous avez peut-être, monsieur, une mauvaise opinion de monsieur de Macreuse ?»« Peut-être. »« Non, parbleu, mon opinion est fort arrêtée. »« Cette méfiance du caractère de monsieur de Macreuse, monsieur, je l'ai pressentie comme vous, » dit Mademoiselle de Beauménil. « Ah, tant mieux, » reprit vivement le marquis. « De tous, ce misérable était celui qui m'inspirait le plus de crainte. » Tant je redoutais que vous ne fussiez dupe de sa fourbe et de son hypocrisie. Mais heureusement, ces gens-là inspirent parfois une aversion d'instinct à tout ce qui est bon et candide. Monsieur, rassurez-vous, reprit Ernestine triomphante, je dois vous détromper. Me détromper? Au sujet de monsieur de Macreuse. Vous, et comment cela? Parce que vos préventions ne sont pas fondées, monsieur. Monsieur de Macreuse est un homme loyal et sincère jusqu'à la dureté. Mon enfant, vous m'effrayez beaucoup, dit monsieur de Maillefort avec un tel accent d'alarme que mademoiselle de Beauménil en fut interdite. Je vous en conjure, ne me cachez rien, reprit le bossu. Vous ne pouvez pas vous imaginer l'astuce diabolique et la perverse habitude de ces roués de sacristie. Je l'ai vu tromper des gens bien fins. Jugez un peu de vous, ma pauvre innocente enfant. » Mademoiselle de Beauménil, frappée de l'inquiétude de monsieur de Maillefort, et ayant en lui toute confiance, lui raconta en peu de mots la cause et les diverses péripéties de son entretien avec le pieux jeune homme. « Il vous aura deviné, mon enfant, » dit le bossu après quelques instants de réflexion, et se voyant pris, il aura tenté avec une adresse infernale la contrepartie de l'épreuve que vous vouliez faire sur lui. Je vous dis que ces gens-là m'épouvantent. Ah, mon Dieu ! Dit l'orpheline terrifiée. Est-il possible, monsieur ? Non, non, une telle noirceur. Et puis, si vous l'aviez vu, les larmes lui sont venues aux yeux lorsqu'il a parlé des cruels regrets que lui causait la mort de sa mère. La mort de sa mère ? Reprit le marquis. Mais vous ne savez donc pas. Puis, s'interrompant soudain, il ajouta. Le voici. Ah, c'est le ciel qui me l'envoie. Écoutez et jugez, pauvre cher enfant. Ah, votre cœur ne peut pas soupçonner les abominables artifices que la cupidité fait éclore en de pareilles âmes. Élevant alors la voix de manière à être entendu de toutes les personnes dont il était avoisiné, le bossu, interpellant monsieur de Macreuse, qui en ce moment traversait le salon afin d'observer mademoiselle de Beauménil, s'écria « Monsieur de Macreuse, un mot, s'il vous plaît !» Le protégé de l'abbé Ledoux hésita un moment à se rendre à cet appel, car il exécrait et redoutait instinctivement le marquis. Mais se voyant l'objet de tous les regards, et encouragé par le succès de sa ruse auprès d'Ernestine, il redressa la tête avec assurance, et s'approchant de monsieur de Maillefort, il lui répondit froidement « Vous m'avez fait l'honneur de m'adresser la parole, monsieur le marquis. »« Je vous ai fait cet honneur-là, monsieur, » répondit le bossu de son air sardonique en restant assis, et en balançant négligemment sa jambe droite qu'il tenait croisée sur son genou gauche. « Et pourtant, monsieur, » ajouta-t-il, « vous n'êtes pas du tout poli envers moi, que dis-je ? Envers moi, envers nous tous, qui sommes ici, et qui avons l'honneur d'être de votre société. » À ces premières paroles, plusieurs personnes se groupèrent très curieusement autour des deux interlocuteurs, car l'esprit agressif et satirique du marquis était très connu. « Je ne vous comprends pas, monsieur le marquis, » reprit monsieur de Macreuse, évidemment très contrarié et pressentant quelques pénibles explications. « Je n'ai manqué ni à vous ni à personne et... »« Monsieur, » dit le marquis de sa voix claire et mordante, « il paraît que vous avez eu l'inconvénient de perdre madame votre mère. »« Monsieur, » reprit monsieur de Macreuse, stupéfait à ces paroles, « serait-il indiscret, » reprit le marquis, « de vous demander quand vous l'avez perdue, feu madame votre mère ?» Si toutefois vous le savez. Monsieur, répondit le jeune homme de bien en devenant pourpre et en balbutiant, une pareille question? Une pareille question est toute naturelle, mon cher monsieur, reprit le marquis. Elle amène le reproche de manque d'égard dont je me plains au nom de toutes les personnes qui vous connaissent. Un manque d'égard, certainement. Pourquoi n'avez-vous pas fait part poliment aux personnes de votre société de la perte douloureuse que vous aviez eu le malheur de... etc., etc. Monsieur le marquis, répondit de Macreuse en reprenant son sang-froid, j'ignore ce que vous voulez dire. Allons donc, moi qui suis très dévot, comme chacun sait, je vous ai entendu l'autre jour à Saint-Thomas-d'Aquin, prier un prêtre de dire des messes pour le repos de l'âme de feu, madame votre mère. Mais, monsieur, ce que je dis est si vrai, que vous vous êtes trouvé mal, de regret et de douleur apparemment, en priant pour cette mère chérie à la chapelle de la Vierge, si bien que vos bons amis les Bedeaux vous ont transporté évanoui, presque moribond, dans leur sacristie, audacieuse jonglerie de votre part, qui m'aurait fort diverti si elle ne m'eût pas révolté. Un moment atterré par cette attaque, le protégé de l'abbé Ledoux retrouva son impudence et reprit avec onction. « Tout le monde comprendra, monsieur, que je ne puis ni ne dois répondre à une si inconcevable, à une si affligeante agression. Le secret des prières est sacré. C'est vrai, dirent plusieurs voix avec indignation. Ce monsieur de Maillefort ne respecte rien. Une pareille sortie est déplorable. Cela ne s'est jamais vu, etc., etc. Nous l'avons dit, monsieur de Macreuse, comme tous les gens de son espèce, s'était créé des partisans. Ces partisans avaient naturellement la plus grande antipathie pour monsieur de Maillefort, dont l'esprit caustique poursuivait impitoyablement ce qui était faux et lâche. Aussi un crescendo désapprobateur continua de succéder aux dures paroles du marquis. « L'on n'a pas idée d'une scène aussi affligeante, » reprenaient les uns. « C'est un scandale inouï. C'est d'une brutalité sans exemple, » s'écriaient les autres. Le marquis, sans se déconcerter le moins du monde, laissa passer cet orage, et le Macreuse, enhardi, rassuré, reprit alors avec effronterie. « L'intérêt que tant de personnes honorables me témoignent, monsieur, me dispense de prolonger cet entretien, et... » Mais le marquis, l'interrompant, lui dit avec un accent d'écrasante autorité, « Monsieur de Macreuse, vous n'avez pas perdu votre mère. La sainte personne est vivante, très vivante, vous le savez bien, et votre saint homme de père aussi. Vous voyez que je suis suffisamment informé. Vous avez donc joué une comédie infâme. Vous avez insulté un sentiment que les plus misérables respectent encore, le sentiment filial. Le but de toutes ces indignités, je le sais. Et si je me tais, c'est qu'il est des noms si respectables que l'on ne doit pas même les prononcer à côté du vôtre, si vous en avez un. » À ces accablantes paroles du marquis, à la pâleur livide du Macreuse, à sa stupeur, qui prouvait que le bossu disait vrai, les plus décidés partisans du pieux jeune homme n'osèrent pas prendre sa défense, et ceux qui avaient une aversion d'instinct contre le fondateur de l'œuvre de saint Polycarpe applaudirent fort aux paroles du marquis. « Monsieur, » reprit alors le Macreuse, effrayant de rage contenue car il se voyait démasqué, « de telles offenses. « Assez, monsieur, assez. Allez-vous-en au plus tôt d'ici. Votre vue soulève le cœur des honnêtes gens, et madame de Mirecourt me saura un gré infini de cette exécution. Et en vérité, elles sont trop rares, les exécutions. Il faudrait pourtant que, de temps à autre, dans le monde, justice fût faite de ces malfaiteurs de salon que l'on tolère. Et si répugnant que soit le rôle de justicier, puisque personne ne le remplit jamais, moi, je m'en charge aujourd'hui, et je n'ai pas fini. » À ces derniers mots du bossu, le trouble et la confusion furent à leur comble. Le pieux jeune homme, croyant à de nouvelles attaques contre lui et trouvant l'exécution suffisante, se redressa, comme le reptile se redresse sous le pied qu'il écrase, et dit insolemment au marquis, « Après de si grossiers outrages, monsieur, je ne saurais rester un instant dans cette maison. Mais j'ose espérer que, malgré la différence de nos âges, monsieur le marquis de Maillefort voudra bien accueillir demain une petite requête que deux de mes amis lui porteront de ma part. Allez-vous-en, monsieur, allez. La nuit porte conseil. Et en réfléchissant, vous reviendrez de vos prétentions batailleuses et par trop ridicules. Allez-vous-en donc. » Soit, monsieur. Alors j'aurai recours à d'autres moyens pour paraître moins ridicule, reprit le pieux jeune homme, en jetant un regard infernal au bossu et en sortirant lentement au milieu de la stupeur universelle. Madame de Mirecourt, maîtresse de la maison, se rappelant ce que madame de Saint-Terre lui avait dit de monsieur de Macreuse, prit parfaitement son parti sur cette exécution. Mais pour mettre un terme à l'espèce de malaise et d'étonnement causé par cette scène étrange, elle pria plusieurs hommes de ses amis d'activer au plus tôt la contredanse. En effet, les danseurs commencèrent de se mettre en quête de leur danseuse. L'exécution de M. de Macreuse avait rempli Mademoiselle de Beauménil de reconnaissance pour M. de Maillefort et de terreur pour elle-même, en songeant qu'elle aurait pu céder à l'intérêt que M. de Macreuse lui avait d'abord inspiré, et épouser peut-être un homme capable d'une action infâme, d'une action qui révélait la perversité la plus profonde. Au milieu de ces réflexions, l'orpheline vit revenir madame de Saint-Terre et de la Rochegue, qui, n'ayant pu, pendant quelques instants, pénétrer le cercle formé autour de monsieur de Maillefort et de monsieur de Macreuse, revenaient prendre leur place auprès d'Ernestine. Le marquis alors se leva, passa derrière le sofa, et, se penchant à l'oreille de madame de la Rochegue, lui dit « Eh bien, madame, je suis, je pense, un assez bon auxiliaire, et du haut de mon observatoire, comme je vous le disais il y a quelque temps, je découvre pas mal de choses, et de vilaines choses. » Mon cher marquis, je suis dans la stupeur, répondit la baronne. J'ai tout compris. Voilà donc pourquoi mon odieuse belle-sœur conduisait cette pauvre enfant tous les matins à Saint-Thomas d'Aquin. Avec son air stupide et sa dévotion, cette Helena est une atroce créature. Quelle fausseté, quelle trahison! Vous n'êtes pas au bout, ma chère baronne. Vous réchauffez non seulement une vipère dans votre maison, mais encore un honnête serpent. Un serpent énorme, avec des dents longues de ça, dit le marquis, en indiquant du regard monsieur de la Rochegu, qui, debout dans l'embrasure d'une porte, montrait ses dents par désœuvrement. « Comment, mon mari ? » dit la baronne. « Qu'est-ce que cela signifie ? Vous allez le savoir. Voyez-vous ce gros homme qui s'avance vers nous d'un air si triomphant ? Sans doute, c'est monsieur de Mornant. Il vient inviter votre pupille à danser. Peu importe. Maintenant, nous pouvons la laisser indifféremment danser avec tout le monde. Car nous ne nous étions pas trompés. Cette chère enfant trouve monsieur de Saint-Terre charmant, mon cher marquis. Je le crois bien. Ainsi, la voilà duchesse de Saint-Terre, dit madame de la Rochegue triomphante, et ce n'est pas sans peine. Duchesse de Saint-Terre, reprit le bossu, pas tout à fait. Sans doute, mon cher marquis, mais c'est décidé. Enfin, dit le bossu en souriant finement, vous êtes satisfaite de Gérald, de mademoiselle de Beauménil et de moi, n'est-ce pas, ma chère baronne? Ravi, mon cher marquis. C'est tout ce que je voulais. Je viens maintenant à mon gros homme et à votre serpent de mari, dont vous allez voir se dérouler les astucieux replis. Comment? Monsieur de la Rochegue aurait osé. Ah, ma pauvre baronne, votre ingénuité me fend le cœur. Regardez, écoutez, et instruisez-vous, pauvre femme ingénue que vous êtes. Le marquis prononçait ces derniers mots lorsque monsieur de Mornant vint saluer mademoiselle de Beauménil pour lui rappeler l'invitation qu'il avait faite.